Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 29 courant l'entretien qui dit entre autres. Les États-Unis accusent notre lancement expérimental de la fusée balistique stratégique sol-sol à moyenne et longue portée façon 10 comme provocation, menace et violation. Mais les vraies provocations et menaces proviennent des États-Unis qui disposent en Corée du Sud et à ses environs de pléthoriques biens stratégiques tels que le sous-marin à propulsion nucléaire Mississippi et le bombardier stratégique B-52H et livrent sans discontinuer les manœuvres de guerre nucléaire pour envahir notre pays en parlant d'opérations d'élimination du cerveau visant notre direction et d'occupation de Pyongyang. Comme nous l'avons déjà précisé dans la lettre envoyée au secrétaire général de l'ONU, l'essai nucléaire et le lancement de la fusée balistique ne sont point stipulés au droit international comme une menace à la paix et à la sécurité du monde. Prendre successivement les mesures de renforcement de la dissuasion nucléaire face aux menaces et provocations nucléaires continues des États-Unis qui violent grossièrement la charte de l'ONU et les droits internationaux, voilà une mesure autodéfensive naturelle et juste. Les démarches des États-Unis qui livrent à l'aide des pays satellites la campagne internationale exprimant l'inquiétude sur le lancement expérimental de notre fusée balistique stratégique sol-sol à moyenne et longue portée et de certains pays qui s'y joignent aveuglément en publiant leur attitude sont les actes ignorant même observer les convenances de l'État souverain et absolument nuisibles à la paix et à la sécurité dans la péninsule coréenne. Nous considérons que la politique d'hostilité américaine envers la Corée est incompatible avec tout dialogue. Nous développerons à l'avenir aussi successivement de façon multilatérale et tant bien sur le plan quantitatif que qualitatif la force de dissuasion nucléaire autodéfensive tant que les États-Unis continuent les actes d'hostilité envers notre pays.